Tu te matérifies, ton pas cadencé, sorti de ton beau rêve de colonel. Tu redeviens une populace impersonnelle, dont tu n'es plus un homme doué de sentiments, mais une machine pour tuer les gens. Généraux ne voulant pas, non, risquer leur peau.